Par Albert de Breuil, Monsieur de Chateaubriand, Études morales et politiques. Note. Mémoire d'outre-tombe, 11, volume, in octavo, Eugène et Victor Penaud, éditeur. D'exemplaires justices ont été faites dernièrement du haut de la tribune. À deux jours de distance, dans la même discussion, deux hommes, dont les lettres ont fait don à la politique, se sont vus reprocher, à la face du pays, dans des philippiques pleines de verve, le scandale de leurs emphatiques palinodies. L'un fait déjà, depuis un an, l'expérience de la tardive justice des peuples. L'autre, son émule très inégale, commence aujourd'hui à en sentir l'amertume. Tout le monde a remarqué cette coïncidence. Chacun s'est demandé si c'était le hasard qui réunissait ainsi, pour une même exécution, des travers de cœur et d'esprit tout pareils. N'y avait-il pas là plutôt l'indice de quelque maladie morale, répandue dans l'air que nous respirons, à la fois épidémique et contagieuse, et qui s'en prendrait plus volontiers à l'âme des poètes qu'à celle des hommes ordinaires? Pendant que cette question s'échangeait de toutes parts entre les spectateurs étonnés, une publication, aussi singulière par sa forme que par son contenu, nous était mise tous les matins sous les yeux dans le feuilleton d'un journal quotidien. À cette place, qu'occupent ordinairement les fictions vénales des romanciers à la mode, la confession d'un écrivain très illustre nous était donnée. Confession un peu arrangée pour les faits, assurément, mais nullement gênée par les convenances. Nous y pouvions suivre, sinon les événements de sa vie, dans toute leur vérité, au moins les mouvements de son âme, dans tout leur abandon. Il nous a semblé que cette étude, faite avec attention et sans partialité, en ajoutant des phénomènes nouveaux à la singularité des problèmes du jour, en éclaircissait assez la solution. Voici un homme, en effet, qui a figuré au premier rang parmi les hommes de son temps. C'était peu de régner, par la magie du style, sur les imaginations. À cet empire moral, qui ne suffit pas toujours pour contenter ce qu'il y a d'âpre, de matériel, pour ainsi dire, dans l'ambition du cœur humain, il lui a été donné de joindre un jour le gouvernement d'un grand parti et d'un grand État. Poète, il a été ministre. Écrivain célébré par toute l'Europe, il a entendu, du haut de la tribune, le délicieux murmure des applaudissements. De cette épreuve, il avait su sortir à temps pour que l'homme d'État ne nuisît pas trop, servit même en quelque mesure à l'homme de talent. Sa vie politique avait conservé une certaine unité, au moins apparente, qui de loin imposait au public. On aimait assez à le voir débuter par une résistance courageuse à l'acte sanglant d'un pouvoir qu'il regardait comme usurpateur, et finir congédié par un acte brutal d'un autre pouvoir qu'il avait défendu comme légitime. Cette double aventure le plaçait déjà devant son temps dans une heureuse perspective, où il n'avait qu'à attendre la postérité. D'ailleurs, nous aimions tous en lui l'enchanteur de notre jeunesse. Il avait réussi de son vivant à s'environner lui-même de cette vapeur brillante dont la poésie en général ne voile que les images glorieuses des morts. Un petit nombre qui, par respect pour une grande renommée, ne se pressait pas d'en faire confidence, savait seulement et se disait à l'oreille combien de faiblesses puériles avaient terni l'éclat de son âge mûr, combien d'amertume sénile s'était épanchée tout bas dans la dignité silencieuse de ses dernières années. C'est ce triste secret qu'il a jugé à propos de venir lui-même de sang-froid révéler à tout le monde. C'est lui qui a trouvé bon de nous faire connaître quels orages de vanité mesquine avaient troublé dans ses profondeurs l'âme mélancolique de René. C'est lui qui s'est chargé de proclamer qu'il avait été d'abord émigré sans conviction, c'est-à-dire qu'il avait porté les armes contre son pays, sans avoir l'excuse d'une foi chevaleresque dans la royauté, puisqu'il avait défendu le pouvoir royal jusque dans l'excès de ses vengeances avec une estime sceptique et une prévision indifférente de la République. C'est lui dont le jugement, universellement et témérairement sévère, cachant l'acharnement de la haine sous l'affectation du dédain, témoigne combien le christianisme avait laissé peu de traces dans l'âme de son interprète. En un mot, l'acteur illustre a pris à tâche de faire tomber l'une après l'autre toutes les illusions des spectateurs, et c'est pour cela qu'il nous a parlé de lui-même et de lui seul pendant l'espace de 10 volumes. Étrange égarement de la vanité, monument à jamais déplorable de l'infatuation personnelle. Ne dirait-on pas ce moine du Moyen-Âge, mort en fausse odeur de sainteté, et qui, au milieu de son service funéraire, éleva sous son linceul une voix lamentable pour raconter à ses frères les faiblesses cachées de sa vie. Dieu sait que c'est à regret que nous tenons ce langage, au risque de ne pas paraître ménager assez les deux choses les plus respectables qu'il y ait en ce monde, la gloire et la mort. Il nous en coûte de faire entendre les accents de la vérité devant un tombeau et de devancer le jugement de la postérité sur un des seuls noms de notre âge qui soient destinés à lui parvenir. Pas plus qu'un autre, nous n'avons échappé à cet attrait qu'éprouvaient pour M. de Chateaubriand tous ceux qui, dans les jeunes générations, ont aimé, rêvé ou souffert. De son vivant, M. de Chateaubriand a recueilli beaucoup d'éloges. Il a mérité la renommée, il en a joui. Rare et heureuse exception dans des temps d'engouement et d'ingratitude. Aussi, s'il ne s'agissait que de lui seul, nous tâcherions de dissimuler ce qu'il n'a que trop mis en évidence. Nous voudrions espérer que ses dernières volontés auraient le sort des feuilles légères dont elles ont emprunté la forme, et, en attendant l'oubli, nous commencerions par le silence. Mais c'est le sort des hommes éminents de représenter, dans leurs qualités comme dans leurs travers, les faiblesses ou les vertus des générations au sein desquelles ils apparaissent. Rien de ce qui émane d'eux n'est indifférent. Organisation plus sensible et plus délicate, meilleur conducteur de l'électricité dont est chargée l'atmosphère qui les environne, ils la concentrent en eux-mêmes pour la propager autour d'eux. Ils sont des maîtres et des types à la fois. Ils s'inspirent d'un sentiment général qui suit à son tour leurs inspirations. Ces conditions ne sont vraies de personne plus que de M. de Chateaubriand. Nul plus que lui n'a su exprimer d'abord et modifier ensuite l'esprit d'une génération tout entière. Tous ses ouvrages portent le cachet de son siècle. Mais ce siècle lui-même garde l'empreinte de sa main. Il a été de son temps. Il a fortement agi sur son temps. Ce ne serait donc point une étude isolée que celle qui, débutant par René, suivant par le génie du christianisme, arriverait aux polémiques virulentes de la Restauration pour aboutir à ces pyramides d'un nouveau genre, élevées par l'orgueil d'un mourant qu'on appelle les mémoires d'outre-tombe. Comment une mélancolie maladive, mise à l'ombre d'une religion vague, peut engendrer des haines de parties acrimonieuses, puis s'épanouir dans un dithyrambe d'orgueil personnel? Par quelle filière, au dégoût de toute chose, succède le culte exclusif de soi-même? C'est une anatomie morale qui présente quelque intérêt. Combien en voyons-nous de nos jours, qui ont commencé par être lassés de tout, pour finir par ne pouvoir se passer de rien? Presque tous ces hommes dont nous parlions ont fatigué la société du tableau de leurs souffrances intimes, avant de la meurtrir par l'explosion de leur amour-propre. Et si cette société s'est laissée faire, si elle a connivé à leur faiblesse, si, négligeant d'exercer dans son sein la pression salutaire d'une critique sévère, elle a regardé d'un œil indulgent toutes les bizarreries et tous les scandales, si, faute de faire intervenir à temps la moindre règle, ou de goût, ou de morale, elle a laissé sous ses yeux les caractères se dégrader et s'égarer les plus heureux génies, alors elle n'a pas certainement perdu le droit de s'offenser de ce qu'elle voit. Mais à la condition qu'un peu de retour sur nous-mêmes accompagne l'indignation, et que cette étude lamentable nous serve en même temps de leçon. C'est à ce point de vue douloureux que nous nous proposons d'examiner les dernières pages de M. de Chateaubriand. D'autres apprécieront leur mérite littéraire, et cette tâche me paraîtrait, je l'avoue, encore plus pénible qu'aucune autre. Démêler, sous les rides d'un visage vieilli, les traits qui ont orné la jeunesse, je ne sais pas au monde une plus triste occupation. Sans doute il serait possible d'extraire des mémoires d'outre-tombe quelques phrases, quelques pages, quelques descriptions de la nature où la plume de l'auteur de René se fait encore sentir. Mais le grand charme de la beauté morale de la poésie comme de la beauté physique du premier âge, l'harmonie a disparu. Des métaphores exagérées, des défauts autrefois inaperçus, aujourd'hui choquants, des notes discordantes, réveillent, repoussent à chaque instant la pensée, et l'empêchent de goûter ce repos que, fatiguée des agitations du monde extérieur, elle demande aujourd'hui surtout au monde idéal, dont la littérature ouvre les portes. Ce mort est encore trop vivant. Cet homme d'autrefois nous ressemble trop. Ce vieillard a trop gardé de nos passions et de nos défauts. Le point de vue purement littéraire ne saurait lui convenir. Il n'est plus, mais il n'est pas encore entré dans les régions sereines de l'immortalité. C'est pourtant une première critique, renfermant un fond moral sous une apparence toute littéraire, que nous adressons aux mémoires d'outre-tombe. Le récit commence, comme c'est l'habitude, par de longs détails sur l'enfance, sur la jeunesse, sur les premiers sentiments de l'auteur. Depuis Rousseau, c'est la règle du genre. Il y a des cadres tout tracés à ce sujet. Il y a des précédents, des traditions de planches et de coulisses, comme au théâtre. Comme autrefois, les expositions de tragédies classiques ne pouvaient se passer d'un songe ou d'une tempête, les confessions des grands écrivains ont leurs petits artifices de rigueur. Un vieux château, avec quelques tours, d'où l'on voit la campagne se dérouler, d'où l'on entend le vent mugir, une vieille tante qui chantait une romance dont on n'a retenu que quelques paroles, des aventures de collège où se déploie l'énergie bizarre du caractère, tout cela est indispensable, et tout cela a toujours un certain charme de vérité, parce qu'il n'est personne, même sans être destiné à devenir un grand poète, qui n'en ait quelque chose dans ses souvenirs d'enfance. Mais, dans Monsieur de Chateaubriand, pas plus que chez les autres imitateurs de Rousseau, ces petits détails ne nous sont pas donnés au hasard, avec la simple complaisance de tout homme pour ses premières impressions. C'est le secret de sa personne et de son génie, dont le grand auteur a bon droit, nous croyant curieux, à la bonté de nous faire confidence. Il faut que nous sachions sous quels cieux le talent a fermenté, puis s'est développé dans son âme. Il faut que nous retrouvions dans le récit de sa vie l'origine des fictions qui nous ont charmés, René, Amélie, le château paternel et les plaines de Bretagne. Il faut nous donner la réalité de tous ses rêves. Ainsi Rousseau s'est montré lui-même voguant à la dérive sur ce lac délicieux dont Julie doit troubler les ondes. Ainsi Monsieur de Lamartine, aujourd'hui procédant à cette analyse avec l'exactitude méritoire d'un notaire, nous aura bientôt donné, dans son édition nouvelle, le certificat de provenance de chacune de ses méditations poétiques. Eh bien, nous demandons pardon à de si grands connaisseurs, mais nous persistons à croire qu'il n'y a rien de plus contraire au véritable sentiment de l'art, ni de plus funeste à ces monuments, que cette décomposition posthume qu'on leur fait subir. Il y a là je ne sais quelle violation d'une sorte de pudeur poétique qui instinctivement fait mal, et la réflexion ensuite n'a pas de peine à découvrir d'où provient ce premier mouvement de déplaisir involontaire. Il s'en faut, en effet, que ces créations ravissantes, dont l'imagination d'un poète enrichit la nôtre, soient une propriété personnelle dont il puisse disposer à son gré. C'est un bien devenu commun entre lui et nous. Elles n'ont pris rang dans la poésie que le jour où, détachées de leur berceau, elles ont volé de leurs ailes légères, bien au-dessus de la vie réelle. Essayer de les y ramener pour se mettre en scène à leur place, c'est une profanation égoïste et vaine. Il n'y a rien de si faux, sous une apparence de vérité matérielle, que ces explications prétendues des œuvres poétiques par les accidents, les sentiments personnels de leur auteur. C'est bien dans le passé de sa vie, il est vrai, et dans les impressions dont son âme est le théâtre, que le poète va chercher ses premières inspirations. Mais c'est la matière brute, mélangée, d'où, par un feu intérieur, la poésie se dégage. Le talent de l'artiste consiste précisément à détacher de ses impressions propres tout ce qui peut vivre hors de lui, tout ce qui va réveiller un écho dans l'âme des autres, à laisser tomber au contraire tout ce qui, trop intimement lié à sa personne, est sans effet sur ses auditeurs. Aussi regardez bien, c'est rarement dans l'âge des fortes passions que les grands accents poétiques se font entendre. La première jeunesse, qui sent si vivement, ne rend que des sons faibles et monotones. Les jouissances vives, les souffrances aiguës, n'ont presque jamais inspiré les chants devenus populaires. C'est le regret du bonheur écoulé, c'est la douleur assoupie par le temps et transformée en mélancolie. C'est le déclin de la jeunesse vers l'âge mûr qui forment les vraies sources de l'inspiration poétique. Tous les grands chefs-d'œuvre appartiennent à ce second âge de la vie. Pourquoi ? Parce que la première vivacité des passions a quelque chose de si âpre, de si exclusif, de si personnel, pour tout dire, que l'âme qui les éprouve, toute concentrée en elle-même, est fermée au reste du monde. Si elle parlait alors, elle ne parlerait que d'elle-même, et avec cette confusion qui naît de l'exubérance des pensées, de l'extrême précipitation des battements du cœur. Quand l'ardeur des passions s'apaise, au contraire, il se fait dans l'âme de l'artiste un grand calme, et c'est le calme de la nature, par un soir d'été, quand la rosée féconde le sein encore échauffé de la terre, quand la vapeur qui s'élève va dessiner à l'horizon mille images riantes, fantasques et dorées. Ce moment de plénitude, où la sensibilité est vive, vive encore, garde l'empreinte des fortes émotions, mais se possède déjà assez, se désintéresse en quelque sorte assez d'elle-même, pour se traduire au dehors par une expression saisissante. C'est la vraie maturité du talent. C'est alors que l'homme de génie, combinant ce qu'il a connu et ce qu'il invente, l'imagination et la mémoire, produit les œuvres qui nous enchantent. L'ombre lumineuse de Béatrice, l'or, cette matrone aussi pure qu'une vierge, les larmes jalouses d'Alceste, la tendresse qui inonde le cœur de Bérénice ou de Monime, sont-ce des souvenirs ou des rêves, des réalités ou des fictions? Nous ne savons, c'est l'un et l'autre. Le grand poète ne le sait pas plus que nous, s'il le sait, qu'il se garde de nous le dire, qu'il se garde de venir faire lui-même le départ de ce que la vie a fourni à la poésie, ni de ce que la poésie en retour a ajouté à la vie, qu'il se garde de venir nous dire « ceci, je l'ai senti, cela, je l'ai rêvé ». Cette sèche géométrie détruit les perspectives des plus beaux édifices. Et que pouvez-vous nous dire, ô poète, excepté ce que vous nous aviez caché, alors que vous étiez mieux inspiré par la verve même qui vous entraînait, alors que la rapidité même du torrent en purifiait les ondes? Qu'avez-vous à nous faire voir, excepté ce côté faible qui dépare les plus grandes aventures, excepté cet accompagnement vulgaire qu'au fond des plus nobles cœurs, les misères secrètes de la nature mêlent à la forte voix des passions? Vous nous aviez donné, dans vos écrits, la meilleure partie de votre être, celle que nous voulions imiter. Que voulez-vous nous raconter maintenant, excepté ce qui n'intéresse et peut-être n'humiliera que vous seul? Vous nous aviez donné votre idéal. Pourquoi tenez-vous absolument à ce que nous ayons votre confession pour le contrôler? Votre enfance, gênée et contrainte, devant la sévérité du front paternel, la tendre, l'unique amitié de votre sœur, les premiers échos de la voix des forêts dans votre âme. René nous avait dit tout cela dans une page délicieuse, par quelques traits à la fois fermes et sobres, gravés à jamais dans notre cœur. Quand un demi-volume fastidieux nous aura appris maintenant qu'à côté d'un père sévère, vous aviez une mère maussade, à quoi pensez-vous que ce supplément serve? Il valait mieux nous la laisser entrevoir, inconnue et regrettée, comme avait fait René, que la dépeindre, vivante et grondeuse, comme vous nous l'avez montré. Quel avantage de transformer cette Amélie, marquée du sceau fatal de la passion, en une Lucile, capricieuse, tristement mariée, dure pour un honnête homme de poète qu'il aimait sincèrement, et chez qui, toute votre sœur qu'elle est, il n'est pas bien sûr que le dérangement du cerveau fût le commencement du génie. Si Lucile, heureusement pour elle, et pour la pudeur du toit paternel, n'a pas été une Amélie complète, pourquoi mutiler votre création? Si elle l'a été jusqu'au bout, avant de le faire entendre, avez-vous voilé vos dieux domestiques? Et vous-même, pensez-vous gagner beaucoup à cette situation qui frise le ridicule et n'évite pas l'immoralité d'un homme marié délaissant sa femme légitime et voyant mourir une autre femme, noble cœur qui se consume pour lui, sans même s'apercevoir des progrès du mal qui la ronge? Nous voyons bien que vous oubliez le devoir, mais nous ne sommes pas bien sûrs que ce soit poursuivre le sentiment. Je suis fâché de juger tout cela avec une morale si bourgeoise. Mais pourquoi René l'Européen, pourquoi Chactas, fils d'Outalissé, ont-ils tenu absolument à se montrer sous les traits d'un premier secrétaire d'ambassade de France à Rome, qui nous exhibe en détail son extrait de naissance et son contrat de mariage? Et savez-vous, en définitive, quel est le résultat de ces confidences, parfois si intimes, qu'on croit commettre une indiscrétion en les écoutant? C'est de glacer chez le lecteur toute espèce de sympathie. Tant d'égoïsme réveille le mien. Je n'ai que faire d'aller donner mon intérêt à celui qui est déjà si riche de son propre fonds. Quelque part, au milieu d'une description détaillée, qui n'est pas sans mérite, du château de Combourg, M. de Chateaubriand est censé s'interrompre en s'écriant « J'ai été obligé de m'arrêter. Mon cœur battait au point de repousser la table sur laquelle j'écris. Des souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leur force et de leur multitude. Et pourtant, que sont-ils pour le reste du monde ?» Hélas, il a trop raison. Cette interruption douloureuse elle-même nous laisse parfaitement froid, et les battements vigoureux de ce cœur qui suffit à repousser une table n'accélèrent pas le mouvement d'une autre. Et pourtant, nous savions par cœur ces quelques phrases, dont la seule mélodie nous ravissait, avant l'âge même où tous les souvenirs sont mêlés de regrets. Quand j'aperçus les bois où j'avais passé les seuls moments heureux de ma vie, je ne pus retenir mes larmes. Couvrant un moment mes yeux de mon mouchoir, j'entrai sous le toit de mes ancêtres. Je parcourus les appartements sonores où l'on n'entendait que le bruit de mes pas. Partout, les salles étaient détendues et l'araignée filait sa toile dans les couches abandonnées. Je sortis précipitamment de ces lieux. Je m'en éloignai à grands pas, sans oser tourner la tête. Qu'ils sont doux, mais qu'ils sont rapides, les moments que les frères et les sœurs passent dans leurs jeunes années sous l'aile de leurs vieux parents. Le chêne voit germer ses glands autour de lui. Il n'en est pas ainsi des enfants des hommes. Chose étrange, l'historien ne nous aime pas, le romancier nous attendrit. La vérité sèche les larmes que l'art avait fait couler. C'est que la vérité pure, c'est une personne seule, et, qui pisait, un auteur, c'est-à-dire encore une vanité. L'art, au contraire, c'est cette partie élevée des sentiments communs aux êtres mortels. C'est ce qu'il y a de général dans l'individu et d'humanité dans l'homme. Voilà ce qui s'évanouit dans ces froides analyses. Soyons justes cependant pour les mémoires d'outre-tombe. Il est possible d'imaginer une combinaison plus triste encore. C'est quand l'auteur, qui vient ainsi dépecer, disséquer, après coup, ses plus belles inspirations, a non seulement vieilli, mais s'est dépravé, quand il n'a pas perdu seulement le sens du beau, mais le sens du bien. Quand des compagnies singulières, remuées dans les bas-fonds de la société, ont meublé son imagination d'idées choquantes. Alors, non content de décrire minutieusement, il dégradera la vérité. À l'Elvire de sa jeunesse, il substituera une matérialiste pédante, plus inquiète de sa santé que de sa pudeur, et vertueuse par ordonnance de médecin. Quel désenchantement! Quel dégoût! C'est l'histoire de la fable dépouillée seulement de la grâce antique. La lampe fatale fait pour jamais envoler l'amour.